longtemps que mon instinct n'a pas chassé la caresse animale en proie à la peur. Comment ai-je pu jurer de ne plus goûter au fluide humain au drama? Donneront-ils le goût de l'âme? Que j'ai dû boire dans leurs entrailles juste le temps de rire aux larmes. Un coup de lame peut tout déraille. De leur pouvoir assassin, comprenez cette soif qui entame à présent les rimes de ma chair qu'ils ont nourri au sein. Me redonneront-ils le goût de l'âme? J'irai boire dans leurs entrailles juste le temps de rire aux larmes avant que d'un coup tout déraille. Les hommes ne pourront jamais rêver. C'est un souvenir. Je ne peux être meilleur dans leur contrainte qui les entraîne à me punir. Ils me rendront mes coups de l'âme. Tiré au fond de mes failles, tous les pleurs versés sur le drame d'un cœur dont la raison défaille. Il y a longtemps que mon instinct n'a pas chassé la caresse.